Le premier ministre coréen Park Bong-joo a envoyé le 26 courant un message de félicitations à Albert Pahimi Padake, réélu premier ministre tchadien. Le dessinateur a souhaité de plus grands succès dans son travail pour l'union nationale et le développement économique du pays. Par ailleurs, le même jour, Lee Yong-ho, ministre coréen des Affaires étrangères, a envoyé un message de félicitations à Moussa Faki Mahamat, qui est réélu ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration de l'Afrique et de la coopération internationale.